Poème 58, 20e siècle. Premièrement, pleine mer. L'abîme. On ne sait quoi de terrible qui gronde. Le vent. L'obscurité vaste comme le monde. Partout, les flots. Partout, où l'œil peut s'enfoncer, la rafale qu'on voit aller, venir, passer. L'onde. Linceul, le ciel, ouverture de tombe, les ténèbres sans l'arche et l'eau sans la colombe, les nuages ayant l'aspect d'une forêt. Un esprit qui viendrait planer là ne pourrait dire, entre l'eau sans fond et l'espace sans bornes, lequel est le plus sombre, et si cette horreur morne, faite de cécité, de stupeur et de bruit, vient de l'immense mer ou de l'immense nuit.